voici votre bulletin régional. Le 3 avril, activité mijoton ado à la salle Guy Veilleux de Courchir, organisée par la relève du Haut-Saint-François. La même activité se déroule, le lendemain 4 avril, au Centre culturel de Istinguis. Inscription et information à facebook.com/relève-hsf ou à larelèvehsf@hotmail.ca ou à 819-86-1508.